Bulletin numéro 1. Dans le nord et à l'est, le temps aujourd'hui est typiquement hivernal. Il a neigé au-dessus de 1800 mètres et le verglas est abondant. Température en baisse sur toute la moitié nord de la France. Attention aux grippes et aux rhumes. Prenez manteau, gants et écharpe pour sortir. La pluie et le vent sont au rendez-vous sur la façade ouest. Sur la partie sud, tendance à l'amélioration. Température en légère hausse dans l'après-midi, 11-12 degrés.